êtes sur RIG, il est 20h. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. C'est Thierry Gallet qui va assurer jusqu'à 22h, quelque chose, parce que Eric n'est pas là ce soir, donc on a prévu 46 titres. Hein? Bon, allez. Bon, donc c'est la saga des Fab Four numéro 567. Et puisqu'on arrive quasiment à la fin de l'année scolaire de radio, puisque ça se termine fin juin, nous avons choisi de faire un 100% Beatles. Que du Beatles entre 1962 et 1970. Rien que ça. Alors le principe, j'ai d'abord choisi à peu près, plus ou moins, 4 chansons par album. Et puis j'ai demandé au logiciel qui est sur mon ordinateur de tout mélanger, de façon à ce que ce soit un petit peu particulier. J'aurais pu laisser la chronologie, j'aurais pu ne pas le faire. Et puis, comme les Beatles étaient 4, j'ai demandé à l'ordinateur de mélanger 4 fois. Après, j'ai regardé en disant, ouais, mais là, ça va pas. Ouais, mais là, ça va pas. Alors, j'ai modifié aussi une 5e fois en tant que 5e Beatles. je me brosse pas avec la petite cuillère quand même, hein, c'est pas mal. Bon, enfin, donc nous écouterons plein de chansons des Beatles. Je vous donne 5 exemples comme je le fais à chaque fois. Le début de la soirée sera fait avec Please, Please Me, Help, Here, There and Everywhere, Ticket to Ride et Got to Get You Into My Life. Pour le reste, je vous convie à rester sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis on verra ça d'ici la fin de la soirée. Bonne écoute, parlez-en autour de vous. La Saga des Fab Four, c'est uniquement sur cette station 90.7 RIG. C'est sur www.rigfm.fr. C'est le mercredi entre 20h et 22h, entre le mois de septembre et le mois de juin. En juillet et août, on se repose. Donc à tout de suite. Promis, je vous le donne. Please, please me. Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on, come on, come on, come on, come on. George Martin était nouveau lui aussi dans la production d'un groupe pop en 1963. Il était déjà producteur, mais plus de musique classique. Lorsqu'il a abordé les Beatles, il a pris son rôle à cœur, puisque pour cette chanson par exemple, John Lennon, lorsqu'il l'a écrite, c'était plutôt à la Roy Orbison, je crois, et ça faisait « Please, please me, oh yeah », etc. Un truc plus lent, plus bizarre. Et George Martin a dit « On va l'accélérer, ça va mieux passer. » Ah oui, c'est franchement mieux passé. Comme la suivante, Help, au départ était beaucoup plus lent. Si vous écoutez le live de McCartney en 1990 à Liverpool, lorsqu'il fait un medley pour rendre hommage à John Lennon, eh bien, il reprend le titre Help dans la version d'origine, donc plus lente. La version telle qu'on la connaît est bien meilleure. Et merci à George Martin. Madame, je vous ai passé la version américaine qui est précédée par un semblant de truc genre James Bond. C'était plutôt sympa, c'est comme dans le film. Et Help, ce qu'on peut dire sur cette chanson aussi, c'est que c'était la première fois en 1965 que les chœurs précédaient le chanteur. Par exemple, ils disent Now, et lui il dit Now my life has changed et tout ça. Vous voyez ? Et re-écoutez la chanson, vous allez vous rendre compte que les chœurs précèdent le chanteur. Ça ne s'était jamais fait. C'est une des originalités des Beatles. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my she doesn't know.

Parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio. The Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Lorsque je passe de l'album blanc, c'est 2 albums blancs sinon rien. Et là, c'est même 40 et quelques chansons sinon rien. Un 100% Beatles ce soir sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 567. J'espère que ça vous plaît. On continue avec un petit retour en arrière. Le premier titre du premier album des Beatles en 1963. On comptait sur eux pour faire un album comme s'ils venaient de faire une tournée. C'est pour ça qu'il y a eu un 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il le fait mieux, point, c'est vrai. Looked at me, and I could she gets it while she can. Oh, get back. Get back. Get back to where you once belong. Get back. Get back. Get back to where you once belong. Get back to red hot. Go home. La version du Let It Be Naked sur RG il y a quelques instants. Je vous ai proposé, là, l'air de rien, en deux chansons, le panning de 63 à 1970, tous les Beatles, entre I Saw Her Standing There et Get Back. Quelle évolution! On peut dire que là, depuis, on va dire peut-être depuis les années 80, les années 70, ça marchait encore pas mal. La musique n'a jamais évolué à cette vitesse-là dans les années 60. C'est absolument fantastique. Tout est devenu complètement différent. Et un peu grâce aux Beatles, puisque avant les Beatles, les groupes, d'abord rappelez-vous que les Beatles ont fait, je crois que c'était Alan Williams, ils ont fait une audition et on leur a dit, pouf, les groupes, c'est fini, c'est plus la peine, ça marchera pas, donc voilà. Il s'est rattrapé d'ailleurs en signant les Rolling Stones, donc tant mieux pour lui. Mais non, les groupes, c'était pas fini du tout, et au contraire, puisque à cette époque-là, donc les groupes ne faisaient que des 33 tours, la plupart du temps c'était une collection de 45 tours. C'était les 45 tours qui comptaient. L'album en lui-même n'était pas considéré comme quelque chose, comme un art, si vous voulez, quelque part par là. Avec les Beatles, ça a changé, et tant mieux. Merci les Beatles, et c'est sans doute pour ça que depuis 1962, on en parle encore aujourd'hui. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Rester un petit peu sur cette chanson sortie sur l'album Revolver en 1966. Tout comme pour nombre de ses chansons, Paul trouva la mélodie et les premiers vers de Eleanor Rigby alors qu'il était assis au piano. Initialement, la personne qui nettoyait l'église dans la chanson s'appelait Miss Daisy Hawkins et non Eleanor Rigby. Paul avait également fait de Daisy une jeune fille, mais il réalisa très vite qu'il était plus que probable qu'une personne qui nettoie les églises après le mariage fût plus âgée. Lorsqu'il eut vieilli son personnage, il imagina que, si elle avait manqué le mariage dont elle effaçait les traces, alors elle pouvait avoir manqué le sien. Il s'agissait peut-être d'une vieille fille, dont la solitude était rendue plus cruelle encore par le fait de devoir éliminer les débris qu'avaient laissés des célébrations familiales. Puis je n'ai rien trouvé de plus, alors je me suis arrêté, ajoute-t-il. Paul revint à cette chanson de temps en temps. Mais le nom de Miss Daisy Hawkins le gênait. Il ne le trouvait pas assez réaliste. Le chanteur folk Donovan se souvient que Paul McCartney a un jour chanté une version de cette chanson dans laquelle la protagoniste s'appelait Olani Tangi, quelque chose comme ça. Il n'avait pas trouvé les mots qu'il cherchait, ajoute Donovan. Paul a toujours pensé qu'il avait choisi le prénom Eleanor parce qu'il avait travaillé avec l'actrice Eleanor Brown sur le tournage de Help. Le compositeur Lionel Bart, en revanche, est certain que Paul en eut l'idée en voyant une pierre tombale dans un cimetière proche du parc de Wimbledon où ils étaient allés se promener. Le nom sur la tombe était Eleanor by Graves, explique Lionel Bart. Et Paul a dit que c'était le nom qu'il lui fallait. Lorsqu'on est retourné dans son bureau, il s'est mis à jouer, à la jouer, sur mon piano. Paul trouva le nom de Rigby en janvier 1966. La chanson fut achevée à Kenwood, quand John, George et Ringo et Pete Shotton s'entassèrent dans la salle de musique où Paul joua ce qu'il avait composé. Tous y apportèrent leur contribution, faisant diverses propositions pour compléter les paroles. Quelqu'un suggéra d'ajouter un personnage, un homme qui fouillait les poubelles et dont Eleanor pourrait tomber amoureuse. Mais l'idée fut jugée trop compliquée. La version de Paul incluait déjà un second personnage, le père McCartney. Ringo suggéra qu'on pourrait le voir en train de repriser les chaussettes le soir, ce qui plut à Paul. George ajouta un vers sur les gens seuls. Pete Shotton proposa que soit changé le nom du prêtre pour éviter l'association d'idées avec le père de Paul. Un coup d'œil dans le bottin suffit à leur fournir un nom de remplacement, le père Mackenzie. Fait extraordinaire, la tombe d'une Eleanor Rigby fut découverte dans les années 80 dans le cimetière de l'église paroissiale de St. Peter à Woolton, à quelques mètres de l'endroit où Paul et John s'étaient rencontrés pour la première fois le 6 juillet 1957. Il est évident que Paul n'a pas choisi ce titre, le titre de cette chanson, à cause de cette tombe. Mais serait-il possible qu'il l'ait vue dans sa jeunesse et que le nom soit resté enfoui dans les profondeurs de son inconscient jusqu'à être ramené à la lumière lors de l'écriture de cette chanson? Allez savoir. À l'époque, il déclara simplement « Je cherchais un nom qui paraisse naturel. Eleanor Rigby semblait naturel. » Eleanor Rigby s'inscrivit en tête des charts en Angleterre, mais n'atteignit que la 11e place aux États-Unis. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson. 8 jours par semaine sur RG. Days a week. reste avec Paul McCartney dans cette ambiance Beatles, 100% Beatles de la saga numéro 567, puisque sur RIG, c'est presque la fin de l'année pour nous. Fin juin, ce sera terminé jusqu'au mois de septembre. On reviendra, et lorsqu'on reviendra au mois de septembre, ce sera l'année des 40 ans. La 40e saison de la saga des Fab Four, et je compterai sur vous pour me donner des messages. Vous utilisez le côté enregistrement de Messenger, par exemple, pour me laisser un message. Bonjour, je m'appelle, je ne sais pas comment, j'écoute depuis tel endroit, ma chanson préférée, c'est ça. Parlez lentement, tranquillement, comme si vous vous adressiez à moi, juste en face de moi. Et puis j'enregistrerai tout ça et je passerai ça le jour de l'anniversaire, voire même avant. Si vous faites un discours suffisamment séparé pour que j'enlève le côté anniversaire que je remettrai plus tard. Vous avez saisi ? Re-écoutez le podcast, vous verrez. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Sky. 1964, And I Love Her. L'amour de Paul pour le rock'n'roll ne l'a jamais poussé à mépriser la musique populaire qui l'avait précédée. Il adorait les grands orchestres des années 20 et 30 dans lesquels son père jouait les airs du music-hall de l'ère victorienne que les invités chantaient autour du piano et les chansons de comédie musicale des années 40 et 50. Bref, il aimait toute la musique des années 20 aux années 50, voire même avant d'ailleurs, puisqu'il l'a prouvé en faisant de la musique classique lui-même. Même à l'époque de Hambourg et du Cavern Club, Paul chantait « Till There Was You », une chanson tirée de « The Music Man », une comédie musicale de 1957 créée à Broadway. Ce titre fut plus tard popularisé par Peggy Lee et repris par les Beatles sur l'album, le deuxième « With the Beatles ». Cette reprise leur permit de réaliser très tôt que les ballades étaient un atout en concert. Et Paul écrivit « And I Love Her » dans cet esprit. John a dit que cette chanson était le premier Yesterday de Paul. Oui, on est en 64, et Yesterday sorti en 65 pour mémoire. L'enregistrement de And I Love Her débuta en février 1964. Il s'agit du premier morceau entièrement acoustique des Beatles. Ringo joue des bongos. Dans le film, ils sont censés l'enregistrer pour un show télévisé. Un mois avant cette séance d'enregistrement, Jane Asher, la fiancée, déclara à l'écrivain américain Michael Brown le problème avec Paul. C'est qu'il a besoin d'être adulé de moi et des fans. Il est vraiment égoïste. C'est son principal défaut. Il ne comprend pas que mes sentiments sont réels et que ceux des fans sont imaginaires. Paul a déclaré depuis que An I Lover ne s'adressait à personne en particulier. Mais il est difficile de croire qu'il ait écrit une chanson aussi tendre au début de sa liaison avec Jane Asher en pensant à une fille imaginaire. He's a real nowhere man sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, you don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your La saga des Fab Four numéro 567, une 100% Beatles. Je pense que vous appréciez, ça fait plaisir de réentendre ces titres longtemps écoutés, un petit peu mis de côté, mais finalement, quand on les réentend, on dit « mais bon sang, mais c'est très très bien, qu'est-ce que c'est bien, Nowhere Man !» À l'instant, en 1965, c'est le premier titre des Beatles qui ne soit pas une chanson d'amour. John composa Nowhere Man un matin au retour d'une sortie nocturne. Et cette chanson marque le début des pérégrinations philosophiques de son inspiration. John déclara qu'il était cet homme de nulle part et que le désespoir l'avait poussé à composer cette chanson après qu'il eut passé 5 heures d'affilée devant sa feuille blanche. Ça doit être terrible. « J'avais arrêté de chercher, raconte-t-il. Rien ne venait. Je me sentais frustré. Je suis allé m'allonger, abandonnant tout espoir. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être un homme de nulle part, assis dans un pays qui n'existe pas. Nowhere man sitting in his nowhere land. » Est-ce qu'on la présente, celle-là? On y a droit à chaque concert de McCartney en France. Michel, ma belle, these are words that go together well, my Michel. Michel, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. To you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you. Thank you.

friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. Et quand vous pensez que cette chanson, With a Little Help from My Friends, avait été interdite à la BBC parce que il craignait que I Get High With a Little Help from My Friends, je vais très haut avec l'aide de un peu d'aide de mes amis, ça voulait dire par exemple je fume un pétard et puis je monte très très haut. Alors que non, c'était beaucoup plus simple que ça, parce qu'il y a des questions-réponses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu fais quand tu éteins la lumière? Je vous le dirai pas, c'est à moi, etc. C'est une bande de copains. Voilà, c'est vraiment... C'est aussi simple que ça. Faut pas chercher midi à 14h quelquefois, quand même. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. You ain't no dancer. Le titre a duré jusqu'à 27 minutes, avec un Ringo Starr qui tambourine à fond sur ses tambourins, sur sa batterie. D'où le, à la fin, « J'ai des ampoules aux doigts », dit-il, parce que oui, ça a été raccourci à 4 minutes 22, j'ai cru lire sur mon ordinateur, mais 27 minutes à taper comme ça, comme un dingue, je comprends que ça fasse mal aux doigts. Mais c'est une très belle chanson, Helter Skelter, une sorte d'ancêtre du hard rock, quoi, si vous voulez. McCartney avait enregistré cette chanson, avait créé cette chanson, parce qu'il avait entendu dire, il me semble que c'était les Who, qu'ils avaient fait une chanson hyper violente, etc., etc. Il ne l'avait même pas entendu à l'époque. Et il l'a voulu, il s'est dit, ah, ils ont fait une chanson violente, alors nous, on va faire une chanson crade. On va faire une chanson super dure, hyper trash, voilà. Et en fait, la chanson des Who n'était pas si trash que ça. Je crois que c'est avec Nancy for Miles, la chanson des Who, il me semble. Il faudrait vérifier, mais là, je ne l'ai pas vérifié avant de reprendre le micro. Bon, vous êtes bien sur RIG 90.7, j'espère que tout va bien pour vous ici. À part la chaleur, ça va, ça va. Si vous pouviez même importer un peu d'eau, ce serait bien. J'ai chaud dans le studio, j'ai très très chaud. Bref, heureusement qu'il n'y a pas la webcam, parce que je suis en nage. Je vous propose de continuer, on a encore plus d'une heure, je crois, à rester ensemble. Oui, oui, tranquille. Je vous propose de revenir à l'année 1963. À cette époque, les Rolling Stones cherchent un premier 45 tours. Ils croisent les Beatles et puis ils leur en parlent. On aimerait bien avoir un 45 tours. Alors McCartney et Lennon se disent « On a une chanson qu'on n'a pas terminée là. On va essayer de la terminer puis on va vous la filer. » Et c'était « I wanna be your man ». Commentaire de Lennon, on n'allait pas quand même leur donner un truc vachement bien. Et nous, on l'a donné à Ringo. Eh bien, Ringo, il s'en sort bien. « I wanna be your man ». Sur l'album With the Beatles, c'est maintenant sur RIG 90.7, la radio des Beatles. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Wow! Be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. On reste dans ces années-là avec George Harrison par deux fois. D'abord Chains sur le premier album, puis sur l'album Hard Day's Night, sorti en 1964. Quelle très belle année! Avec I'm Happy Just to Dance With You sur RIG. Chains, my baby's got me locked up in chains. Thank you.

but it's all wrong. That is, I think I disagree. Là, la dernière phrase, certains ont pensé que John Lennon disait « I buried Paul », donc j'ai enterré Paul, parce que en 1969, un DJ de Détroit, aux États-Unis, avait prétendu que McCartney était mort en 66 et que depuis 1966, les Beatles laissaient des petites traces dans les images ou dans les chansons pour dire que Paul était mort et qu'il avait été remplacé par un sosie. Entre nous, quelle longévité le sosie et quel génie. Et McCartney, bien sûr, n'est pas mort. Mais il y avait des tas de signes absolument marrants, comme là, « I buried Paul », alors qu'il dit « I'm very bored », « je m'ennuie énormément ». Ça n'a rien à voir. Sur la pochette de, sur le clip de « Your Mother Should Know », lorsqu'il descend l'escalier, trois des Beatles ont la même fleur à la pochette, sauf Paul McCartney. C'était pour dire « il est différent ». Donc c'est un sosie. Non, c'était que il leur manquait une fleur, alors McCartney en a mis un autre. Lorsque sur Sgt Pepper, quand on ouvre la pochette de Sgt Pepper, on voit les Beatles de face, sauf Paul McCartney. Donc c'est un sosie. Et là, c'est pas tout à fait vous, parce que lors de la séance photo, McCartney n'était pas là. Donc c'est un assistant qui a le dos tourné exprès pour qu'on voit bien que ce n'est pas Paul McCartney. Mais McCartney n'est pas mort, on est toujours là. En 1969, les Beatles traversent la rue Abbey Road, vont du studio à ailleurs, sur la pochette, sans nom, sans rien, et pourtant ils étaient tellement connus que cette pochette est iconique. Et on remarque que Paul tient la cigarette, une cigarette de la main droite. Ah, mais Paul est gaucher, donc c'est un faux. Non, quand on fume, on peut éventuellement tenir la cigarette sur un bras qui n'est pas notre bras habituel, sur une main, plutôt, c'est mieux, parce qu'un bras, c'est pas très utile. Et donc non, et puis c'est le seul qui soit pieds nus alors que les autres ne le sont pas. Et puis John Lennon étant blanc, George Harrison avait un jean, et tout ça c'est des signes dans certains pays de mort. Oui, mais non, c'était comme ça. Donc n'allez pas chercher plus loin, McCartney est toujours vivant et tant mieux pour nous, on aime ça. Et d'ailleurs, puisqu'on a écouté Strawberry Fields Forever, on tourne le CD, ce qui est faux là aussi puisque je suis sur ordinateur, et on écoute l'autre face, Penny Lane sur RG. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children loving him. Hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. shelter in the middle of the roundabout. A pretty nurse is selling poppies from a tray, and though she feels as if she's in a play, she is anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and weep while back. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Vous êtes bien calé sur RIG 90.7 pour ceux qui écoutent depuis Bordeaux, et pour le reste de la France, de l'Europe, du monde, voire de l'univers, c'est sur www.rigfm.fr. woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. Je ne sais pas si on entendait dans la version de luxe, mais on entend même un siège grincer. J'ai entendu là, un siège grincer. Et là, non, je voulais dire, je ne sais pas si on entendait dans la version normale. Je vous avais raconté ça, qu'il y a des années et des années, avec le vinyle, je m'arrêtais à la fin du piano, et j'arrêtais le vinyle. Et puis un jour, j'ai laissé courir parce que j'étais occupé, j'écoutais au casque, et quand j'ai entendu ce bruit-là, j'ai sursauté, mais quelque chose d'extraordinaire, parce que je ne l'avais pas entendu alors que j'avais écouté des centaines de fois l'album en entier, sauf ça, sauf ce petit morceau-là. Et les Beatles m'ont toujours surpris, tout le temps, même... Et encore plus avec ce monstrueux coup de génie de Monsieur John Lennon en 1967. I am the walrus, Cuckoo Kajou sur RIG. Ce soir, c'est un spécial Beatles sur RIG, 100% Beatles, la saga des Fab Four. girl, you let your knickers down. I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the walrus. Coo-coo-ca-joop. Il faut l'écouter au casque, ce titre-là, parce que dans la version stéréo, le son passe de gauche à droite et inversement. Et puis, quelle idée d'incorporer des sons comme ça, feutrés. C'est du grand Lennon et c'est certainement un casse-tête pour George Martin, pour arriver à comprendre ce que voulait Lennon et arriver à lui donner satisfaction, parce que c'était là la grosse différence entre McCartney et Lennon. Une des grosses différences, on va dire, même s'ils se complétaient. Lorsque McCartney arrivait, il disait « Je vais du point A au point B et je vais y aller comme ça ». Il savait ce qu'il voulait, la plupart du temps, on va dire. Il y a certainement eu des exceptions. Alors que Lennon disait « Bon, alors, je vais au point... Je pars du point A et je voudrais aller... je sais pas trop, mais en tout cas, à toi de te débrouiller, je voudrais qu'on ait l'impression que ceci, que cela, que... » Alors, pour Tomorrow Never Knows, il avait dit « J'aurais l'impression que je suis au-dessus du Mont Blanc et puis que je parle, je sais pas quoi, c'est un truc de fou, je parle dans le vide, etc. » Bref, Lennon, c'était partir un petit peu n'importe où, mais à la fin, ça donnait quelque chose de génial. McCartney, c'était un peu plus construit, et à la fin, ça donnait quelque chose de génial aussi. One day, you'll look to see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though tomorrow may rain, so I'll follow the sun. sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Nous sommes revenus sur RIG dans l'année 1964. Quelle très belle année. Il n'y avait pas de point plus de vue plus opposé sur la vie et l'amour que ceux de Paul et de John. Tandis que John se posait en victime, Paul se disait maître de son destin. Dans If I Fell, John exige qu'on lui garantisse la stabilité d'un amour. Tandis que dans I'll Follow the Sun, Paul reconnaît qu'une telle promesse est impossible. Il sait qu'un orage peut survenir dans une relation amoureuse et préfère suivre le soleil. I'll Follow the Sun est une ancienne composition de Paul qui fut retravaillée lorsque le besoin de matériel se fit pressant. Il l'écrivit en 1959, année durant laquelle quatre titres de Buddy Holly prirent la première place des charts à la suite de son décès en février. L'influence qu'eut sa musique sur le jeune McCartney est évidente dans I'll Follow the Sun. Buddy Holly était très important pour les Beatles parce que, contrairement à Elvis, il composait ses propres chansons et avait un groupe régulier. John, qui était myope, était heureux de voir qu'un homme qui portait des lunettes pouvait tout de même devenir une star du rock. Et le nom Beatles, un jeu de mots en forme de néologisme sur Beatles, B-2-E-T-L-E-S, les scarabées, et Beat, B-E-A-T, le rythme, les Beatles, donc, était un hommage au grillon de Buddy Holly and the Crickets. Les Beatles enregistrèrent notamment des chansons de Chuck Berry, Rock and Roll Music, une de Liberty Stoller, Kansas City, une de Little Richard, Hey Hey Hey, et de Buddy Holly, Words of Love, et d'autres. D'ailleurs, sur cet album, qui est l'album Fossil, puisqu'ils étaient pressés de faire un album, le deuxième de l'année, quand même, l'air de rien, et ils étaient un petit peu à court de chansons, d'où l'idée de reprendre des anciennes chansons enregistrées. De temps en temps, nous nous souvenons qu'une chanson que nous avons composée il y a longtemps pourrait tenir le coup sur l'album. L'une d'entre elles s'appelle I'll Follow the Sun. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là. On reste dans les premières années des Beatles avec deux titres. Money, That's What I Want, toujours valable en 2023, et Slow Down sur RIG. What I want.

Cette soirée, on a écouté des titres qui ont entre 53 ans pour le plus récent, là, extrait de Let It Be, et 61 ans pour ceux extraits du premier album de 1963. C'est dingue parce qu'ils sont toujours très très écoutables sans aucun problème. Desmond has it borrowed in the market. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. In our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be bien parfois de se fâcher. Pendant l'album blanc, Ringo Starr a claqué la porte, il en avait marre, il avait l'impression que tout le monde s'entendait, sauf avec lui, qu'il était mis à part, quoi. Et donc il est parti, il a pris quelques vacances, et il s'est retrouvé à être sur un petit chalutier, en train de se balader avec un capitaine et tout ça, qui lui a fait manger du poulpe. D'où la chanson « Octopus's Garden ». Et c'est une belle chanson, donc c'est bien. Merci Ringo. La suite de la saga des Fab Four, c'est encore maintenant, puisque on a dépassé les 22h. Eric n'est pas là, donc je continue un petit peu. On va passer encore quelques titres. Voici Norwegian Wood sur RIG dans la saga des Fab Four. RIG, c'est 90.7 et le mercredi soir, c'est la radio des Beatles. Should I say she wanted me? She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. On the rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. I told her I didn't and crawled up to sleep in the bath. ever makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, no, no, no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. For money, money can buy me love. Buy me love. Everybody tells me so. Can buy me satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Love. Buy me love. On reste dans ce ton-là avec le côté pessimiste de John Lennon. Je suis un perdant. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. Tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. It's all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, Avez-vous cherché autre part que ici en France et à Bordeaux une autre station de radio qui peut émettre des Beatles pendant plus de 2 heures? Là, on a dépassé les 2 heures. Chaque semaine, en tout cas, entre septembre et le mois de juin. C'est ici sur RIG 90.7, sur www.rigfm.fr. Parlez-en autour de vous, c'est quand même quelque chose. Et surtout que la saison prochaine, on va aborder la 40e saison de la saga des Fab Four. Moi-même, je n'en reviens pas. D'ailleurs, si on fait le calcul, il y a 40 ans, j'avais 20 ans. Enfin, l'année prochaine, disons, en 2024. Oh, ça passe. Treat me like you did the night before. 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. C'était la première chanson du premier disque, parce que les Beatles savaient, et pas que, hein, d'ailleurs, là, sur ce coup-ci, les Beatles n'ont pas inventé, que du temps où il n'y avait pas iTunes, quand on ne pouvait pas choisir une chanson simplement sur un disque, ou écouter une chanson au travers de tout ce que vous voulez, sur les radios, maintenant, on peut choisir une chanson sur Spotify, sur... Bref, vous voyez ce que je veux dire, sur Apple Music, il faut que j'en cite un troisième, oh là là, lequel, bon, ça me vient pas. Si ça me vient plus tard, je vous le dirai, promis. À cette époque-là, en tout cas, c'est la réaction qu'on avait, nous les jeunes, dans les années 80 ou avant, on écoutait la première chanson. Si la première chanson nous plaisait, en général, le 33 tours nous plaisait. Bon, avec les Beatles, c'était pas si dur que ça d'apprécier l'intégralité du 33 tours. Mais la première chanson, sur l'album Revolver, c'était Taxman, et elle était très bien, très entraînante, donc ça a marché. You got me. singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. This moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. C'est bientôt fini la saga des Fab Four. Oh non, j'entends. Ah bah si, et oh quand même, à un moment donné, il faut laisser la place. Non, faut pas laisser la place, mais oui, c'est bientôt fini quand même. Mais pour l'instant, on reste unis, on reste ensemble, d'accord? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. For there will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. La chanson suivante, je vous le promets, n'était pas prévue. Mais devant l'insistance, j'ai cédé. Gently weeps. lasserai jamais d'écouter cette chanson. Jamais. While My Guitar Gently Weeps, le chef-d'œuvre avec les Beatles de George Harrison. Vraiment, vraiment, c'est du très, très bon. Allez, dernier morceau, et vous ne direz pas que j'ai pas essayé d'être le plus long possible. Ça nous tiendra à peu près jusqu'à 23 heures avec le générique.

love you, love you, love you. Puis à la fin, and in the end, the love you take is equal to the love you make. Ben voilà, c'est terminé. Ah, je sais, vous en auriez voulu une heure de plus, mais je suis debout depuis tellement longtemps. Il faut que je rentre. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je voulais faire, parce qu'on sera... On sera le 21 juin. Je voulais faire une 100% McCartney. Je pense que je vais faire une 100% McCartney, mais puisque c'est la fête de la musique, on va faire une 100% McCartney live. Bonne idée, non? Donc la semaine prochaine, 100% McCartney live sur RIG dans la saga des Fab Four qui ne durera que 2 heures puisqu'Eric sera là. À très très bientôt. Salut, ciao. N'oubliez pas qu'il y a un bonus.